Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment poser des questions dont la réponse est oui et non. Today we are learning how to ask questions, the answer being yes or no. There are really four ways of asking a yes-no question in French. Listen and see if you can figure it out. Start with a very simple sentence like Tu es dans la classe. That's a statement. If I raise my voice, I can ask an intonation question and say, Tu es dans la classe? I can also add Est-ce que to it and say, Est-ce que tu es dans la classe? Or I could add N'est-ce pas to the end of the statement and turn it into a question. Tu es dans la classe, n'est-ce pas? Or I can do this with an inversion, which is flipping the order of the subject and the verb. Es-tu dans la classe? Here are four simple ways of asking the same question. Tu es dans la classe? Est-ce que tu es dans la classe? Tu es dans la classe, n'est-ce pas? Es-tu dans la classe? I am going to do two or three with you, so you become acquainted with the different ways of asking questions. Let's start with Nous parlons français. Nous parlons français? Est-ce que nous parlons français? Nous parlons français, n'est-ce pas? Parlons-nous français? I'll do one more with you. Vous voyagez souvent. Vous voyagez souvent? Est-ce que vous voyagez souvent? Vous voyagez souvent, n'est-ce pas? Voyagez-vous souvent? There's really nothing to this. It is quite easy. I am sure you can do it on your own now. So I'll leave you with two prompts and hope that you can do your four different questions all by yourself. Nous adorons le chocolat. And my second prompt would be Vous travaillez trop. So, how did you do on Nous adorons le chocolat? Did you manage with Nous adorons le chocolat? Est-ce que nous adorons le chocolat? Nous adorons le chocolat, n'est-ce pas? Adorons-nous le chocolat? I'm sure you did it all right. Let's check your answers for the second prompt. Vous voyagez, vous étudiez, I'm sorry, the second prompt was Vous travaillez trop. So, vous travaillez trop? Est-ce que vous travaillez trop? Vous travaillez trop, n'est-ce pas? Travaillez-vous trop? Well, if you got that, you are perfect and you are getting ready for the Chapter 2 test. Study well et à demain!